Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Aujourd'hui, une émission dédiée aux proverbes qui sont tout autant d'excuses pour voyager, écouter des musiques du monde entier et déclamer des horreurs sexistes. Alors pour pouvoir assumer tout ça, on est trois en studio ce soir. À ma droite, il y a comme toujours Nicolas à la technique et aux blagues québécoises. Bonsoir à tous. Et pour la première fois dans toute l'histoire du Memento, c'est quand même notre troisième année, il y a à ma gauche le troisième homme de l'émission, l'éminence grise et silencieuse, la bibliothèque à référence cinématographique ou encore celui qui a écrit une bonne partie de nos fictions, j'ai nommé Corentin Le Boulche, que vous allez entendre pour la première fois. Corentin, c'est à toi. Bonjour à tous, mais je tiens à signaler que j'ai pas envie. Voilà. Merci Corentin, c'était donc la première fois que vous l'entendiez et c'est donc le lancement de cet épisode spécial Proverbes, des proverbes qui vont vous permettre de faire le tour du monde depuis les studios de Radio Panique où on se trouve. Je m'appelle Arthur et je vous propose d'abord, avant de lancer tout ça, une petite intervention du président de la Confédération Helvétique. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Vous allez peut-être vous demander pourquoi le président de la Confédération parle du rire en cette journée des malades, comme si une personne gravement malade avait envie de rire. À moi, d'accord. Alors, il au hasard. Mais je vous en prie, J'en viens aussi. Allez-y. Alors, mon premier est une trompette de chasse. Oui. Mon deuxième est une partie de l'anatomie d'une femme. Hein? Et mon tout se trouve dans un bocal aigre doux. Un cornichon. Hit it, Joe. Pourquoi cette musique? Aucune idée, elle est absolument horrible. Et en tout cas, on a commencé sur du bon goût. Hein. Voilà, on remercie de tout cœur le président de la Confédération Helvétique et Benoît Poulvord. Alias Monsieur Manhattan et sa blague des cornichons. Absolument. Alors, le concept pour ce soir, eh bien, il est simple. On a tous cherché des proverbes du monde entier pour, à chaque fois, pouvoir vous présenter une musique, un courant culturel ou juste un truc cool sur Internet. Et donc, la première destination... Et Nicolas, on était censé finir ce bout de texte avant pour pouvoir écouter la musique, mais on s'est un petit peu foiré. Donc, je disais, la Chine, Nicolas, et c'est quand tu veux. Bah oui, bah c'est un grand classique, le coup du proverbe chinois, je sais pas pourquoi, le chinois trimballe avec lui cette image de sage qui a toujours le mot pour nous faire réfléchir. Je sais pas si ça va nous faire réfléchir, mais j'ai un petit extrait pour illustrer le premier proverbe de cette émission. C'est en voyant un moustique se poser sur tes testicules que tu comprends que forcément on ne peut pas tout régler avec la violence. On reste sur une introduction sur du bon goût. Hein. Sur du bon goût. On reste sur la du classe, bon goût. Alors on a eu un petit débat avant de commencer l'émission, même en la préparant, c'est qu'on se disait, il y en avait deux de nous trois qui n'avaient jamais entendu ce proverbe. Toi, tu nous disais que c'était archi connu. Oui, enfin oui. Enfin, je sais pas. En tout cas, on a trouvé ça drôle. Ça m'avait déjà beaucoup fait rire, j'avoue. Et ce qu'on a voulu faire, bon, on a dit qu'on allait essayer d'illustrer des proverbes avec des musiques. Ça n'a presque aucun rapport, mais... On voulait illustrer la violence du proverbe. Voilà, la violence n'est pas une solution à tous les problèmes. Une chanson qui commence un petit peu pour nous réveiller, c'est un titre de Nothing But Leaves et il s'appelle I Was Just a Kid. We'll be right back. I Was Just A Kid, Nothing But Thieves. Un groupe qui joue en ce moment à la baie. Genre, là, non, juste c'est au Botanique. Maintenant. À la baie, oh, au Botanique, pardon. Et à mon avis, à cette heure-ci, ouais, ils doivent être en train d'accorder leur guitare avant de monter sur scène. C'est un peu passage. Comme pense. Ça. Vous êtes toujours dans le Memento sur Radio Panique. Émission spéciale Proverbe, on a donc commencé en Chine avec une histoire de violence. Je vous propose maintenant d'écouter Corentin qui nous emmène en Inde. Alors pour l'Inde, moi j'ai choisi un proverbe que j'ai trouvé assez joli. La meilleure aumône est celle du riz, mais douce parole est d'un plus grand prix. Alors en parlant de paroles douces, moi j'ai eu envie de vous parler de Shushela Raman, une chanteuse anglo-indienne qui mélange la musique traditionnelle indienne et pakistanaise avec de la musique occidentale. Et je pense que vous allez tous reconnaître la musique que j'ai choisie pour vous la présenter. Elle arrive. Merci, on est toujours ensemble dans ce Memento sur Radio Panique. Vous aurez reconnu une reprise de Trust in Me, la chanson du serpent dans le livre de la jungle. Pour et rester. Confiance. Et confiance. Crois en moi. Pour rester justement dans une ambiance un petit peu Disney, on vous propose de partir en Géorgie avec un autre petit proverbe, Arthur. Où la volonté est prompte, les pieds sont légers. En résumé, qui veut peut, qui a la volonté peut déplacer des montagnes, et des montagnes géorgiennes, tant qu'on y est, puisque je vous propose de découvrir Trio Mandili. Alors Trio Mandili, ça a été formé en 2014 et c'est un trio, fatalement, vocal géorgien, composé de trois jeunes femmes, un trio, on vous l'a dit. Des femmes qui s'appellent donc Anna Chincharaouli, Tatia Mungeradze et Shorena Tiskraouli. Voilà, s'il y a des, s'il y a des Géorgiens dans la salle, vous me pardonnerez cette prononciation relativement foireuse. Donc, elle chante à trois voix des chants traditionnels du Caucase, de Géorgie, fatalement. Alors, justement, petite question géographique, la Géorgie se trouve au nord-est de la Turquie. On est donc entre la mer du Caucase, on est à l'extrême est de la mer Noire, donc entre la mer Noire et la mer Caspienne, avec la Russie au nord et l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sud-sud-est. On est donc dans ce coin-là. Alors Mandili, ça veut dire foulard traditionnel pour les femmes géorgiennes, et justement ces trois femmes de trio Mandili sont parfois habillées en costume traditionnel, ce qui est assez beau, et parfois en jeans de 2002 avec des bandanas imprimés en feuilles de cannabis. C'est moins sympa. Mais quoi qu'il en soit, on est à mi-chemin entre la conservation du patrimoine et la magie d'Internet, où une simple vidéo tournée à l'iPhone en selfie permet de faire des millions de vues. Tout a donc commencé en se filmant pour le plaisir. Les trois filles se sont mises une fois sur Internet après s'être filmées en train de chanter, et jusqu'à aujourd'hui où elles viennent de sortir leur deuxième album après avoir fait une tournée mondiale, notamment en passant par la Belgique. Et aujourd'hui, elles ont donc presque 600 000 personnes qui les suivent sur Facebook. On peut donc dire qu'elles s'en sortent pas mal. Et depuis ce temps, depuis 2014, donc, elles font toujours les mêmes vidéos. C'est-à-dire qu'on voit les trois filles, dont une joue du pandouri, qui est un instrument à trois cordes, à mi-chemin entre le ukulélé et la balalaïka, ces espèces de triangle, de guitare russe triangulaire. Et à chaque fois, eh bien, elle se balade ou bien dans la campagne avec des belles montagnes derrière elle, ou bien dans la nature ou dans leur village. Et c'est toujours assez joli. Et elle chante toujours donc avec énormément d'harmonie ces chants traditionnels qui sont assez marquants. Je vous propose donc d'écouter Erti Nakvit, trio Mandili. Erti nakhvit shemi qvardi qroqinat koxtamaro aba mitkharu shenobit rogarun da gavikharo oy taglida laloda jan gago medashet tugli taglida laloda shen mi qvar khar chemomze o mets mi qvar khar shen zgi qvar vara krogor gavits moro Shen rom intitut shi tsakhol medavrchebi sakhshiao Sagamo khan visairnot blekhanovski bakhshiao itaglida lalada jan gogomedashe tuglida glida lalada shen miqar kharchemomze itaglida lalada jan gogomedashe tuglida glida lalada shen miqar kharchemomze itaglida lalada jan gogomedashe tuglida glida lalada shen miqar kharchemomze kat Trio, je suis là, merci. Trio Mandili, c'est Géorgienne qui chante comme ça des chants folkloriques qui sont assez chouettes, assez impressionnants au niveau des harmonies vocales. Après cet enchaînement de choses plutôt sérieuses, je vous propose de faire un petit jeu. Qui arrive ? Non, je vais la refaire. Après ces quelques épisodes de choses sérieuses, c'est le moment de faire un concours de proverbes pourris. C'est parti, on n'a pas le son ? Non. Duel ! Duel, même la truelle du coup, parce qu'on est, on est trois. Laissez-moi retrouver... Et parler super loin du truc. Laissez-moi retrouver ma... C'est pas grave, ça rend le truc vivant. Ma feuille avec les proverbes, voilà. Voilà. Qui commence ? Je vais commencer, ok, d'accord, ça va, merci, merci beaucoup. C'est beau, là... On commence avec de la déstabilisation, tu vois, on est déjà sur le psychologique. Ouais, c'est ça. Donc le but est d'essayer de créer une histoire à base de proverbes pourris. Je propose de commencer dans quelque chose d'assez nourriture. 3, 2, 1, on est parti. Sans tête de porc, pas de noces. Ok, j'ai quelque chose. Proverbe géorgien, quand même. Hein. Encore. D'accord. En Irlande, on dit « Le pauvre n'a que deux amis, sa pomme de terre et son cochon. » Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Moi, j'ai un exemple un peu obvious, il est un peu nul, mais c'est pas grave, il nous vient du Mexique. Si la saleté te dérange, attention, suspense, ne choisis pas un élevage de porc. Oui, sur le porc. D'accord, oui, oui, oui. Pas très inspiré. Si on reste sur la bouffe, je propose, toujours géorgien, parce que quand même, ils sont pas mal là-dedans. Faute de viande, on ne mange pas du chien. D'accord. Pourquoi pas? Oui, mais tout bon cuisinier n'est jamais mort de faim. Et ça, c'est en Ukraine qu'on le dit. Ah bah voilà, on voyage, Nicolas. Et on va se balader dans un élevage maintenant, voilà, à la ferme. Si les poules pondaient des haches, elles se fendraient le cul. Ah, c'est bien. J'ai aucune référence pour ce proverbe. Je sais pas d'où il vient, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Bon. On enchaîne. Ben oui, parce que du coup, on n'a pas vraiment de jury impartial pour décider qui remporte le duel, mais c'est pas très très grave. Le triel, je sais pas comment on appelle ça. Les poules étaient pas mal. Les poules étaient pas mal. Ouais. Bon. Mais si les poules étaient pas mal, alors on va attribuer la victoire à. D'accord. Est-ce que Nicolas, tu as un son pour cette victoire ou pas du tout? Je n'ai absolument pas de son. J'étais occupé à choisir mes phrases. D'accord. D'accord. Ok, c'est bien. C'est bien. Le professionnalisme dans cette émission. Tout à fait. Bat tous les records. Exactement. Alors après la Géorgie, après l'Ukraine, on part en Russie avec notre ami Corentin. Et en Russie, on dit un pessimiste est un optimiste bien informé. Et donc, on voit que l'optimisme est un sport national en Russie. Maintenant que le ton est donné, bienvenue en Russie, on écoute de la hard bass. C'est un mouvement proche de la hard tech. Logique. Qui est devenu populaire en 2010 avec des vidéos de jeunes paumés soviétiques qui dansent un peu n'importe comment sur du son plutôt énervé et font le buzz sur le net. Aujourd'hui, dans le monde entier, des groupes de jeunes masqués se retrouvent à des endroits symboliques ou interdits pour pumper. C'est la danse typique de la hard bass. D'ailleurs, il y aura des liens en vidéo sur le groupe Facebook si vous voulez voir. C'est une nouvelle forme de protestation, moins traditionnelle que les banderoles ou les mégaphones. Et pour ça, je trouve le mouvement assez intéressant, même si le son qui va suivre va crisper les oreilles de certains, je pense. On l'écoute ? Ouais. C'est parti. Tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, хамбас-тусовки, адидас-кроссовки, tri-paloski, tri-paloski, tri-paloski, tri-paloski, хамбас-тусовки, адидас-кроссовки, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, на штанах полоски, три зачетных соски, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, мы не боимся, в углах не таимся, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski, здесь все тусуют, под хамбас танцуют, tri-paloski, tri-pa-tri-paloski. Corentin, tu me disais qu'il y avait aussi un autre proverbe, la nuit, tous les chemins sont plats, c'est ouais, ça c'est proverbe russe. Proverbe russe, ces Russes, ils sont quand même incroyables, c'est formidable. Ô combien poétique. Voilà, on va retourner peut-être vers un petit peu plus de chaleur, on va passer du froid de la Russie à un truc un peu plus paradisiaque, Arthur. Oui, alors Nico, sois prêt à balancer le tapis pendant le texte, parce que c'est vraiment quelque chose qui se joue sur l'ambiance, puisque en fait le lien avec Hawaï est assez ténu. D'accord. Donc, je vous propose d'imaginer qu'on est le soir sur la plage. On respire, on entend les vagues. On est un peu triste, seul, dans un bar qui donne sur la plage, je vous l'ai dit. Il n'y a aucune raison d'être triste du coup. À siroter un whisky sans glace. Certaines torpeurs, une certaine tristesse. Et en même temps, un confort, une douceur. commence à pleuvoir, mais demain, il fera beau. C'est Hawaï la nuit. Et ce que vous entendez là, c'est Chet Baker. Il n'est pas hawaïen, mais il reprend Elvis Costello. C'est Almost Blue. Qui reprend Elvis Costello. Et c'est l'heure du grand jeu. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est Mémé. Mémé qui? Memento. La suite de ce grand jeu, mes amis, c'est le fait, chers auditeurs, qu'on ait trouvé un nombre incalculable de proverbes horriblement sexistes, d'une violence tout à fait inégalable. Et du coup, on vous a fait une petite sélection du meilleur du mieux. Ah, je veux bien commencer. Commence. Il est un peu long, mais il commence gentiment, il termine un petit peu sale et ça va bien lancer les hostilités, je pense. L'homme est le seul mâle qui batte sa femme. On doit donc en déduire que l'homme est le plus brutal des mâles. À moins que la femme ne soit de toutes les femelles la plus insupportable. Voilà. Voilà. Voilà, ça pose son petit truc. J'ai quelque chose de beaucoup plus court, mais d'assez efficace. Proverbe scandinave, les amis. La femme nue apprend vite à filer. C'est horrible. C'est horrible. La suite, Quentin. Bah alors, en Pologne, on dit « Une épouse honnête est l'ornement d'un mari et l'appui le plus sûr de la maison. » Ça, ouh, c'est horrible. Ça, c'est bien horrible. C'est pas mal. C'est pas bloqué mal. 50 ans en arrière. Moi, j'en ai plus. Moi, il m'en reste un. Oh, j'en ai plein, moi. Il m'en reste un. Le poisson, proverbe allemand, hein. Le poisson se plaît dans l'eau, l'oiseau dans l'air et l'honnête femme au logis. C'est quelque chose de pas mal aussi. Quentin, fais-toi plaisir, lâche-toi, on t'écoute. J'en ai deux pour finir. Si le diable est impuissant, envoie-lui une femme, comme on dit en Ukraine. Et pour conclure, trois espèces d'hommes n'y comprennent rien aux femmes. Les hommes, les femmes et ceux entre les deux. J'ai pas bien compris le dernier. Attends, recommence. Mais je crois que... Ça n'a aucun sens. Non, c'est les hommes, les vieux et ceux entre les deux. D'accord, donc c'est à peu près tout le monde. Donc c'est tout le monde. Tout le monde ne comprend rien aux femmes. C'est parfait. Super. C'était donc le moment super sexiste. On est le Memento, vous êtes toujours sur Radio Panique, on est gentil sinon, à part ça. Exactement. J'ai envie de continuer sur aussi un peu du cliché. Ouais. Parce que j'avais une sélection de petits proverbes. Et je sais pas si c'est les clichés qui ont amené les proverbes localisés ou si c'est l'inverse ou s'il y a vraiment une part de vérité derrière, mais ça m'étonnerait quand même. C'est que je suis tombé sur un créneau de proverbes qui parlait de la paresse, bah avec beaucoup, mais alors là, beaucoup, beaucoup de proverbes qui venaient de Corse. Je sais pas si, je sais pas s'il y avait un lien. Je suis vraiment désolé s'il y a des Corses qui nous écoutent. Là, j'en ai quelques-uns sous les yeux. Si t'as envie de travail, assieds-toi et attends que ça passe. Proverbe corse. Deuxième proverbe. N'oublie pas, le travail c'est la santé. Bah donc laisse-le aux malades. Joli. C'est logique, c'est implacable. C'est sage. Si ton labeur est dur et si tes résultats sont minces, rappelle-toi qu'un jour le grand chêne a été un gland comme toi. Est-ce que c'est vraiment corse ça? Ça je sais pas. Ça celui-là n'était pas corse. Celui-là n'était pas corse. Je ne sais pas ce qu'il est, mais il n'est pas corse. Mais il est bien. Moi je l'aime bien. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je voulais continuer. Je pensais que j'en avais un autre pour terminer, mais je ne le trouve plus. Ah si, voilà, j'en ai un qui vient de Colombie. La paresse est la mère de tous les vices. Mais c'est une mère, dans nos dieux. Une mère, ça se respecte. Ah, ça, c'était un truc colombien. J'aime bien le petit rapport à la maman. On n'y touche pas, c'est la maman, on n'y touche pas. Et justement, bon, on va parler rien de tel pour illustrer la paresse qu'un petit dimanche complètement paresseux. On reste en pyjama, on écoute de la musique, on regarde des séries, on fait tout ce qu'on veut. Et pour illustrer ça, j'ai une super musique des Small Faces qui s'appelle Lazy Sunday. Wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. Les petits oiseaux du dimanche, Lazy Sunday, The Small Faces. Après la Colombie, la Corse, la Géorgie, la Russie, Hawaï et toutes ces choses-là, on repart vers l'Asie, on part au Japon. Et au Japon, on dit une chose, qui s'est brûlé la langue à la soupe chaude, souffle pour refroidir sa salade. Et la musique japonaise, c'est un peu comme la soupe trop chaude, on a parfois du mal à y revenir. Et pourtant, quand on fouille, il y a toujours des perles à découvrir, notamment Susumu Yokota, c'est un artiste d'électro-atmosphérique qui a fait cet album qui s'appelle Acid Mont Fuji en 1994 et qu'on va écouter maintenant. Yeah. Suzumu Yokota et ce titre Zen Mae. Merci en tout cas à vous. On est toujours sur Radio Panique. On est toujours en train de faire un petit tour du monde des proverbes. On a eu un peu de tout. On a eu de la misogynie. On a eu des clichés sur les Corses. La paresse. On a eu pas mal de choses. Là, c'était quelque chose. J'ai bien aimé la transition entre la musique et le choix du proverbe. Donc là, on a fait l'Asie et là, on retourne vers quoi ? On retourne vers l'Afrique, Arthur ? L'Afrique, exactement. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne et pep, ça va aller. Oui. Non mais oh. j'ai descendu le mauvais. Je disais donc, si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Proverbe africain. On parle donc des origines, et puisqu'on est une émission à la base extrêmement musicale, eh bien je vous propose de parler de la base des origines d'énormément de courants de musique actuelle, c'est-à-dire le blues. Et d'où vient lui-même le blues ? Eh bien ça vient des work songs, ce sont les chants des esclaves dans les champs de coton aux États-Unis. Donc ces chants sont nés avec l'esclavage fatalement, donc à partir du 16e siècle. Et en fait, les esclaves noirs déplacés d'Afrique, eh bien, dans les champs ou dans tous les travaux qu'on leur faisait faire, chantaient pour, de un, conserver leur culture orale et les transmettre aux plus jeunes, aussi pour se donner du courage et surtout pour créer et garder un rythme quand ils travaillent et qu'ils font des travaux assez durs où certains pouvaient carrément mourir, tout simplement. Et ce rythme est évidemment pas trop lent pour éviter les coups de fouet et pas trop rapide pour éviter d'épuiser et donc de tuer, encore une fois, les plus faibles. Donc la forme typique de ces chants, c'est un appel d'un individu et puis la réponse de tout le groupe, avec parfois l'individu qui peut carrément improviser, et les deux, l'appel et la réponse peuvent se superposer, voilà, un peu comme dans le gospel. Et on va pouvoir écouter ça, en tout cas quelque chose d'assez proche, puisque évidemment on n'avait pas d'enregistreur au 16e, 17e, 18e siècle. Par contre, juste après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, des anthropologues américains ont voulu retrouver ces chants. Bon, évidemment, à l'époque, l'esclavage n'existait plus, heureusement, mais il restait encore des traces de ces chants, de cette pratique du chant. Ce sont donc les casseurs de cailloux dans les prisons, tout simplement, puisque évidemment dans ces prisons il y avait beaucoup de noirs, donc c'est vraiment là qu'a survécu cette tradition, et ils ont donc été enregistrés ça en 1947 ici par exemple au pénitencier de l'état du Mississippi, un pénitencier connu sous le nom de Parchman Farm, et les prisonniers chantent Early in the Morning. Well, it's early in the morning, baby, when I ride, Lordy, mama. Well, it's early in the morning, baby, when I ride. Well, it's early in the morning, baby, when I ride. Lordy, baby, you have a thing I haven't been. Around my right side, well, around my right side, Lordy, baby. Around my right side, Lordy, sugar. Well, I have a mirror, around my right side, well, well, Lordy, Lordy, butter. Well, Lord, Lordy, sugar. Well, Lord, Lordy, rosa. Well, the Lord, yeah. Well, well, I heard you never told it. You told a dirty lie, baby. Well, I heard you never told it. You told a dirty lie. Well, well, I heard you never told it. You told a dirty lie, baby. And when the moon upon the dollar gone, he gonna rise and fly. Well, he gonna rise and fly. Oh, sugar, he gonna rise and fly. Oh, baby, well, he ain't on the dollar, on the dollar. He gonna rise and fly. Well, well, Lord, Lord, he rolling. Well, Lord, yeah, Lord, baby. Well, Lord, Lord, Lord, sugar. Well, it's a long gap. Well, with rocks and ground for the maker, make a solid roll of the sugar. And take a rock and rock and ground for the maker, make a solid roll. Well, and take a rock and ground for the grabber, to make a solid roll of the sugar. And take a good looking wife, maybe. Make a good looking home, well. Make a good looking home, Lord, baby. Make a good looking, Lord, sugar. Take a good looking wife, mama. Make a good looking home, well. Well, Lord, Lord, you're rolling. Well, Lord, Lord, it's sugar. Well, Lord, Lord, it's rolling. Well, Lord, yeah. Well, but a peg would pack it home. Her on the school last door, sugar. Well, a peg would pack. Et le bruit de la pioche qui tombe en rythme lancinant. C'était donc les casseurs de cailloux de Parchment Farm dans le, au Mississippi, le chant des esclaves, en tout cas ce qu'il en reste. La suite, toujours sur le continent américain, avec Nicolas cette fois-ci, on part au Québec. On va reprendre froid là, tout doucement, on va remonter, mine de rien, et j'ai envie, il nous reste quoi ? Il nous reste un petit peu plus de 7 minutes, j'ai envie qu'on commence tout doucement à jouer un petit peu sur la signification des proverbes, parce que là on a quand même des trucs assez... assez obvious, on voyait exactement où on voulait, où ça allait en venir. Là, ça va déjà être un petit peu plus flou. Premièrement, parce que c'est du québécois. De toute façon. C'est assez proche de la langue française, mais il y a quand même une libre interprétation de la chose. On y va. Swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Ça pourrait, j'ai envie de dire un truc, mais qui est un peu trash, c'est genre... Pour moi, ça pourrait être, ça, pour moi, ça pourrait être « tape au fond, je suis pas ta mère », si je puis me permettre. Mais j'avais jamais... comme je savais la signification en l'ayant lu, je n'avais jamais imaginé ça, mais c'est vrai que totalement « swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois », j'avoue que... Ça peut avoir un petit truc un peu du sale. Du coup, l'explication logique, elle est vachement moins drôle. Parce qu'en québécois, la baquesse, c'est un morceau de tissu qu'on utilisait pour transporter le bois à l'intérieur de la maison. Donc, moins drôle. Faire chauffer, moins drôle. Hein, d'accord, ok. « Swinguer », c'est l'action de lancer quelque chose. Donc on swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois, c'est une expression québécoise qui invite à jeter son instrument de travail, sa baquesse, le petit tissu, on se rappelle, dans un coin, dans le fond de la boîte à bois, et ainsi de libérer les mains et de se joindre à la danse pour faire la fête. Ok. Donc beaucoup moins sexy que l'interprétation que vous aviez deviné. Swing la baquesse dans le fond de la boîte à bois. Ben justement, on va rester dans le Québec avec un artiste que j'ai découvert. J'ai tapé danse, vu que la signification, c'est de se joindre à la danse. Et je suis tombé sur un artiste qui s'appelle Fiori Séguin. Alors, c'est un chanteur, bien sûr. C'est un guitariste également québécois. Il faisait partie d'un groupe apparemment très connu au Québec, que je ne connaissais pas, qui s'appelait Harmonium. Et il a fait un album solo. Il s'intitulait l'album solo « 200 nuits à l'heure ». Et là, ce qu'on va écouter, ça s'appelle « Viens danser ». Viens dans mon vieux, un soir on se regarde dans les yeux. Un soir on prend beaucoup toi et deux. On trouve nos vieilles nuits magiques. Parce qu'il n'y a plus de musique qui est pas faite en plastique. Comme un ballon qui tourne toujours en rond. On attend la fin du show. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé ce coup-là à faire sauter. Comme il reste plus d'effets spéciaux, ils ont fait sauter le chanteur. Et moi je l'ai manqué. Je regardais un haut-parleur. Il est tellement gros, tellement plus gros que son cœur. Fiori Séguin, mélange entre un chanteur pourri français et une chèvre. Merci beaucoup. C'est Arthur au Théâtre du Rond-Point tous les soirs. Voilà, j'en étais donc au Québec avec les histoires de Nicolas et on garde notre Fiori Séguin de la chèvre. On va le laisser tout doucement, mais vraiment tout doucement. J'aime beaucoup, c'est une espèce de mix un peu chelou, mais c'est assez sympa. Oui, on va rester dans cette espèce d'interprétation libre des expressions québécoises. Là, c'est un truc assez sympa. Avoir du front tout le tour de la tête. Ouais. Imaginez-vous quelqu'un le front tout le tour de la tête. Être chauve. Mais c'est ce que j'ai cru au début, être chauve. Et en fait, c'est un petit peu plus subtil et un petit peu plus réfléchi que ça. Ça pourrait être un peu dickneck, je trouve. Ben non plus, genre redneck ou un truc comme ça. Mais non, c'est pas ça du tout. L'expression, c'est, ça désigne un comportement effronté. On l'utilise pour désigner une personne qui a du culot, qui a du toupet. Voilà, tout simplement. Un effronté, en fait. Mais okay. Quelqu'un qui a le front tout autour de la tête. C'est la version québécoise d'effronté. Oui, c'est logique, quelque part, c'est une histoire de front, quoi. Exactement. Alors maintenant, je redescends un petit peu aux États-Unis. J'en ai une assez sympa. C'est un peu l'instant culture. Let me see your Jen Hancock. Ça fait encore une histoire un peu sale. Hein. Ouais, mais ça, c'est le Hancock. C'est un petit peu. Voilà. Il y a quand même coq dedans. Oui. Si vous aviez une culture, ce que je n'avais pas du tout, hein, je fais le malin, mais si vous aviez une culture de l'histoire américaine, vous sauriez que John Hancock, c'est un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et ouais, bah oui, évidemment. C'est un des signataires de la Déclaration d'indépendance. Et donc, quand on dit montrez-moi votre John Hancock, c'est en fait montrez votre signature. On fait référence. Donc voilà, let me see your Jen Hancock, c'est montrez-moi votre signature. D'accord. Voilà, c'est un petit instant culture. On termine avec une petite dose d'intelligence, mais on va redescendre tout de suite. Oui, parce que. Avec un petit truc, genre, voilà, c'est la fin de l'émission. L'affaire est ketchup. L'affaire est ketchup. Ben, elle est pas maillot, quoi. Ça veut tout simplement dire que les choses vont bien, qu'une activité s'est terminée et qu'une tâche s'est bien déroulée. Tout simplement, c'est ketchup, l'affaire est dans le sac. D'accord. Voilà, l'affaire rapport, l'affaire mais... dans le sac de ketchup. Exactement. Ok, c'était donc le dernier proverbe de Nicolas pour cette soirée. Merci oui. Nicolas pour cette contribution l'affaire était ketchup, hautement canadienne. Corentin. Oui. Es-tu prêt pour ta dernière intervention? Pris au dépourvu, mais oui. Vous allez devoir deviner d'où vient ce proverbe. Alors attention. La vérité se trouve au fond d'une bouteille. Qui a bu parlera. Bah les Russes. Non. Un truc genre les Allemands. Non. Les Serbes. C'est évident. Les Roumains. Petite île pas loin de l'Angleterre. Ah bah oui. Les Irlandais. C'est les Irlandais. Bah tiens. Oui bah oui c'est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'approuve. J'applaudis des deux mains. Merci Corentin.